Benvinguts, amics i amigues. Aquesta és una nova edició de Hola la Música, el programa de música en francès amb Rafael Corbí, que us arriba a través d'aquesta emissora. Sigueu benvinguts i benvingudes. Avui intentarem escoltar bona música per tots els nostres oients amb aquest nou espai. Doncs bé, anem a començar amb diversos artistes que ens acompanyaran. Bàsicament, peticions també que ens van adreçar als nostres oients a través de tots els canals en els quals oferim aquest espai. Per tant, serà el primer dels protagonistes avui, Charles Aznavour. Hi haurà cançons com aquesta que ens acompanyarà en primer terme, Le Palais de la Chimère, s'anomenava aquesta cançó. Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus, elle et moi, que 20 ans, mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs, nous étions enlacés, tout honte de bonheur. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon, et nous ceinturions la terre, et les mois comme des vagabonds, pour s'abreuver à la source de l'amour, cet éternel printemps. Nous nous partagions la mousse du château de la rose des vents. À présent je suis seul, je marche toujours, mais quand je sentirai venir mon dernier jour, sur la tombe où déjà repose mon amour heureux, j'irai m'étendre et mourir à mon tour. Et sous la même croix nos deux corps dormiront, nos yeux seront cernés par le même horizon, et de la même terre nos bouches s'empliront quand pour l'éternité nos âmes s'uniront. Le palais de nos chimères a croulé avec mes illusions, et sous le poids de ces pierres se lézarde un cœur de vagabond. Mon passé qui me domine me pousse à errer par tous les temps et dormir parmi les ruines du château de la Rose des Vents. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens,

Venise ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Dans les ténèbres, j'ai contre-plongé. J'ai dû mal viser ou bien mal cadrer. J'ai pourtant le bonheur dans l'objectif. J'ai brûlé tous les négatifs, malgré les mises au point. Je suis flou, malgré les mises au point. Je suis flou. Le temps des rêves passe comme un bolide, dans l'instantané d'un polaroid. J'ai l'impression d'une vie de cliché, montrant mon cœur surexposé malgré les mises au point. Je suis flou, malgré les mises au point. Je suis flou. Crosé ens acompanyava també amb les seves cançons amb el programa d'avui, aquesta jove artista nascuda a Noisy-le-Sec el 1979, cantant de música francesa, pop folk més aviat, ja ve de ben jove, ho va fer-ho amb formacions amb Quito del senyor Holmes, del grup senyor Holmes, i per primera vegada apareixia amb escena. Moltes de les seves extraordinàries cançons, en aquest cas, l'escoltàvem amb música des del 2007. Jour de Foule és el títol d'aquesta cançó i la següent serà del 2005. Chercher la sortie d'un sommeil labyrinthe. J'ai retrouvé le fil, tu es le minotaure. Le premier pas dehors m'a bouleversé, et pourtant c'était un jour de fou. Le cerbère, ces rendez-vous qui ne rend pas jaloux. J'ai récité par cœur ma poésie brutale, où le mot idéal fait rime avec fatal. J'ai arrondi les angles pour en faire un cercle parfait, qu'il se mette à tourner enfin dans le bon sens. Et au dehors, ce qui m'apparaissait banal est devenu extraordinaire. C'était un jour de fou. Això és Hola La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonnés tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Seguim escoltant aquests temes i aquesta música. Claude Nougaro va néixer a França, a Toulouse, a Occitània, Tolosa de Llenguadoc, el 1929, i és considerat el millor cantant de jazz francès. Va versionar molts estàndards americans, també de bossa nova, tot i que el seu èxit es deu principalment a cançons en francès com el Jazz de la Java o Toulouse, precisament Toulouse. És el tema que escoltarem a continuació, un tema dedicat a la seva ciutat, d'aquest personatge que va morir a París l'any 2004. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis, comment ça va? Et je t'emmène au cinéma. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tu verras. Tout tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras, tu verras. Je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous. Et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera. Car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés. Et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras. Així hem escoltat aquest personatge que ens ha acompanyat aquests minuts a través del nostre programa, la música, que també ens ha servit amb aquest Le Cinéma i el tobogán de Claude Nougaro, aquest artista de Tolosa de Llenguadot. Qui serà la propera? Doncs la propera és la Juliette Greco, així s'anomenava aquesta artista, o així ho pronuncio jo, que també tot s'ha de veure, i ens portarà també unes quantes de les seves cançons. La Marie Juliette, aquest era el seu nom, també artista de la Provença, en aquest cas de Montpellier, on va néixer el 1927, la musa dels existencialistes, com se la coneixia. Escoltem d'ella també una mica de la seva música avui a Hola la Música. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. M'envelopper. Me capturer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme. Soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma vue, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou à faut se la ferme, c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, jolie môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, jolie môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, jolie môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, jolie môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, jolie môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, jolie môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, jolie môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, jolie môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Jolie môme. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne, car pour ces feuilles-là, jamais on ne fredonne. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne, car même s'il fait froid, jamais elles ne frissonnent. Mais les feuilles du chêne n'ont pas cette veine, elles savent avec raison qu'elles meurent en cette saison. Et les feuilles du chêne ont bien de la peine, sachant qu'elles finiront comme dans la chanson. Et les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne, car pour ces feuilles-là, jamais on ne fredonne. les feuilles de tabac. Au grand soleil s'abandonne, car pour ces feuilles-là, l'été fait place à l'automne. Les feuilles de tabac se moquent bien qu'on fredonne, car c'est la balle aux doigts qui les attend à l'automne. Les feuilles de tabac finiront sous les doigts d'un riche producteur ou bien d'un armateur. Mais les feuilles de chêne ont bien de la peine, sachant qu'elles finiront comme dans la chanson. Ouais, les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne. À la fin de l'été, elles s'en iront en fumée. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne. À la fin de l'été, veuen cançons curtes, cançons concises, com aquest de les fulles de tabac que acabeu d'escoltar, en Julià Greco, i també un petit posant, un petit usó, és una altra de les cançons que podíem escoltar en la seva veu avui, des del 1966, concretament, aquesta cançó. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message, et pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Que l'art, le monde, sans feu, sans épreuve ni bombe. A de l'or, les murs, écoule dans le fleuve. La facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge. À jamais répand, tu fares sur les hommes, car le temps te leur la foule. Que l'on est vain, chaque jour qu'il me révèle. Du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Tes dieux, mes sœurs, j'en vois toutes les couleurs. Messieurs, mes frères, s'engagent sur des routes à l'envers. Mais là-haut, décide, fais le ménage, fais le vide. Sur la poule, répands du phare sur les hommes, comme le temps que l'homme. jour il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Final del nostre programa, darreres cançons que escoltem amb l'espai del dia d'avui, Les Innocents, serien la formació La Innocent, que ens acompanyarà amb els darrers minuts. Des del 1992, la següent cançó, L'Autor Finister, aquest color, era una cançó del 2003, i també amb alguna cançó més, aquest temps que ens adongui, de menys paraules i molta més música, que és el lema que sempre fem servir aquí a Hola la Música. Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir sourd. Il est un estuaire, un long fleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Et nos belles différences, j'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, aux longues plages de silence. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens s'élargissent des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Un enfant de soupir où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. Si un jour je m'en vais, ce que je voudrais de nous emporter avant tout, c'est le sucre et le miel et le peu que l'on sait n'être qu'à nous. Ouh, il est un estuaire, un enfer de soupir où l'eau mêle nos mystères. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. Oh, il est un estuaire, un enfleuve de soupirs où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir. Acabem doncs el programa d'aquesta setmana que us portem a través d'aquesta sintonia amb una darrera cançó de Les Innocents d'aquesta formació a través d'un àlbum anomenat Un home extraordinari que ens aportarà el títol del mateix nom. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera setmana aquí. Hola la música, el vostre programa de música en francès. A reveure. main, fuir encore une autre ville. On la voit comme quelqu'un qui a bien réagi face à la mort et à l'oubli. Elle tourne sur un monde sauvage.